Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbeau Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. C'est le retour de la chronique des jeux vidéo, puisqu'il y en a un sur le marché. Cet automne, on a pris un petit congé parce que j'avais perdu le goût, mais je l'ai retrouvé, le goût des jeux vidéo. Ça sort sur le marché actuellement. Il y a un nouveau jeu que je pense pas d'acheter, mais quand même, qu'il faut vous en parler. C'est le jeu du UFC. On en parle à la chronique Adieu du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec. Salut René! Salut! René, effectivement, nouveau jeu vidéo sur le marché de sport, le UFC. Oui, ben dans le fond, c'est la troisième itération de EA Sports, si on veut, le UFC EA Sports. Okay. Cette année, dans le fond, ils mettaient au programme un nouveau. L'année passée, ils avaient mis un nouveau le moteur Frostbite. Cette année, ils ont travaillé ça, puis ils ont mis un nouveau moteur d'animation, le Real Motion Technique. En tout cas, c'est une affaire qui fait justement qui améliore les mouvements, qui va rendre plus réalistes les mouvements des combattants, puis ça va rendre l'expérience en même temps des plus réalistes. C'est sûr qu'ils ont amélioré aussi le visuel, mais au niveau, c'est vraiment l'un des gros changements, c'est vraiment le moteur qui permet maintenant de mieux faire les mouvements, de faire des meilleurs clés de bras, des meilleures soumissions au sol, des meilleures frappes, des jabs, puis tous les coups qui sont portés ont l'air plus réalistes, et l'impact aussi sur le joueur sont plus réalistes. Le problème, c'est que pour un joueur occasionnel, mettons, comme la plupart des gens qui touchent à UFC comme pour la première fois, ils disent « Ah, je vais essayer ça une fois de temps en temps, je combat », ben c'est difficile parce qu'on se fait battre. Il n'y a pas moyen vraiment de dire « Je vais frapper dans le tour puis je vais gagner tous les matchs ». Il faut que tu gères ta barre d'énergie, tu gères ta barre d'endurance, tu gères… Tu sais, c'est rendu un gros jeu de gestion au lieu de combat pur. Là, c'est vraiment… Ben, dans le fond, si on me dit c'est plus réaliste, parce que justement, au UFC, tu peux pas vraiment juste… donner des coups et espérer gagner sans arrêt tout le temps, tous tes matchs. Ouais. Fait que dans celui-là, c'est ça. Tu gères ton endurance, t'es rendu à gérer beaucoup, beaucoup de trucs pour venir à bout des adversaires. Puis, au début, si t'essayes la technique des autres, ça marchait des fois. Tu dis, je vais juste frapper sur le personnage, puis je vais juste donner des coups de poing, je vais donner des gros coups forts, puis il va tomber. Ben, dans celui-là, ça marche pas tout le temps. C'est sûr, si on se met à facile, oui, ça marche au début, mais plus on avance dans les personnages, moins ça. Ben, plutôt dans notre carrière, c'est vrai, parce qu'il y a un mode carrière. Plus on avance dans la carrière, plus ça devient difficile de gagner des matchs en utilisant la méthode de, si on veut, de juste frapper, puis je ne gère pas le reste. C'est rendu un jeu très technique, très difficile pour les joueurs occasionnels. OK. Donc, jeu technique, donc ces jeux occasionnels, ça s'adresse pas à la masse, que tu peux dire. Ben oui, ça s'adresse à eux, mais il faut vouloir mettre du temps dessus. Là. Si on joue une fois de temps en temps, de même, puis c'est juste un jeu, on va jouer en combat entre amis une fois de temps en temps, c'est pas, il y a des jeux de combat qui sont plus fun à ça puis qui vont faire lever le party, tandis que celui-là, c'est, tu sais, il faut être fan du UFC en partant pour dire on va prendre les bonhommes, pour jouer avec McGregor ou les vieux qui sont là, Saint-Pierre, toute la kit, mais tu sais, ça reste le c'est un jeu qui va te demander beaucoup de la technique. Oui, tu peux jouer, admettons, avec ton ami à faire juste donner des coups, c'est le premier qui tombe, puis c'est le fun, mais tu sais, quand tu te ranges vraiment dans le jeu, tu décides de te plonger dans le jeu, c'est vraiment le niveau technique qui embarque. C'est vraiment un niveau plus difficile, un niveau, comme je te dis tantôt, faut que tu gères un peu beaucoup d'aspects, faut que tu essaies vraiment d'être prêt à tout calculer, puis tu sais, admettons, lui, il se bat, il est meilleur, admettons, dans les soumissions, mais faut que tu essaies de contrer ça en... parce que, comme ben, le moi, je plus jouer le mode carrière parce qu'il est plus le fun que en ligne, on se bat, les gens sont bons en tabarouette, là, mais dans le mode carrière, au moins, tu avances solo, tu avances tranquillement dans tes affaires, tu crées, mettons, ton personnage où tu peux prendre un combattant déjà existant, mais tu sais, le fun, je dirais, c'est de créer ton bonhomme, tu avances là-dedans, tu débutes la carrière, tu commences dans la petite ligue en bas de l'échelle, puis il faut que tu montes juste en haut pour devenir une légende du UFC, fait que tu essaies de par tout moyen de devenir une légende, puis de gagner, puis de tout battre. Mais c'est peu à peu, quand tu commences ton ascension, tu commences avec des matchs faciles, puis plus ça va aller, plus c'est difficile, là, tu vas créer des rivalités, des rivalités. Et avec ça, tu vas avoir aussi à gérer ton... au début des combats, tu gères ton entraînement, lequel gymnase tu veux faire. Au début, tu commences à... Tu peux t'entraîner chez vous, dans ton sol, ou tu as, mettons, un abonnement, je pense que c'est 100$ le premier gymnase pour t'entraîner. Tu apprends des techniques bien tranquilles. Après ça, plus ça va aller, plus tu peux apprendre, mettons, des techniques au jiu-jitsu, au karaté, ou à la lutte. Puis c'est dépendant, va changer selon de... ce que tu vas choisir comme gymnase, puis aussi le coût que tu vas mettre, parce que plus tu vas gagner en notoriété, plus tu vas faire de l'argent, fait que plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas choisir les gymnases qui coûtent très cher à t'entraîner, puis c'est plus payant si on veut l'entraînement au moment-là pour les points d'expérience, puis tout le niveau. Fait que, tu sais, c'est un jeu que vraiment apprendre avec beaucoup de calculs. C'est sûr qu'on a des modes, pour ceux qui veulent pas rentrer dans toute cette complexité-là, on a les modes, admettons, combat simple, où c'est qu'on choisit un combattant, puis on se bat, on a des modes... un mode en ligne, comme je disais tantôt, mais le monde est très bon. On a un mode ultimate, comme c'est la mode dans les jeux e-sport ces temps-ci, là, les cartes, puis mais là, tu choisis plusieurs combattants, puis ils vont gagner des points, puis quand tu reviens pendant un long bout, quand tu reviens, t'as fait des points, t'as gagné d'autres points pour pouvoir, mettons, acheter des nouvelles cartes, acheter des nouveaux combattants, puis tu gères comme un écurie, si on veut. OK. Dis-moi, si on y allait... C'est un jeu fort intéressant. Du côté graphique, maintenant, est-ce que c'est bon? Oui, le jeu est très beau, c'est... Tu qu'il y a des. Tu sais, des fois, c'est comme moi, le point, il semble qu'il n'y pas tout à fait à bonne place. Il y a des petits bugs, mais tu sais, c'est rien de très, très acharnant, ça n'arrive pas à tout bout de champ. Fait que, le jeu est très beau, visuellement, c'est très beau. On voit la sueur, on voit les muscles, on voit l'impact. Quand on donne un point, on sent le coup, on voit les joues brassées, si on veut. On sent vraiment le coup est puissant, puis on voit les joueurs essouffler. Des fois, admettons, tu vas frapper le joueur à mâchoire, tu vas voir le sang et la bave sortir, le sang, la sueur, la bave, tout survoler en même temps, ça va. Ça va aller sur ton bras, fait que des fois t'as du sang, mais t'as pas une fois, fait que t'as le sang de ton adversaire, il y en a au sol. Fait que oui, le niveau visuel est vraiment beau. La foule est quand même ordinaire, mais ça reste quand même bien fait pareil. Les ring girls qui appellent aussi sont là, ils les ont mis. Fait que t'as beaucoup de détails, les caméramans qui vont suivre un peu le personnage. Il y a beaucoup de détails à ce niveau-là, fait que le jeu est quand même très beau. C'est sûr qu'il y a place encore à mieux en embellissant l'alentour, mais... Ce qui se passe sur le ring, c'est quand même très beau. Puis, comme je disais tantôt, il y a des petits bugs, mais rien de très, très fou. Donc, combien tu donnes sur ce marché-là? Un bon 8 sur 10. C'est un jeu le fun, mais comme je dis, c'est plus tactique, plus technique. Il va falloir justement vraiment mettre du temps dedans. Tu la jettes comme quatrième jeu de sport, mais c'est le problème est là. C'est que tu vas tout le temps être quand même au même niveau, tu vas avoir de la misère à évoluer et être bon avec le jeu. Faut aimer le UFC parce que, comme je te dis, c'est très technique. Puis ce qui est le fun, ceux qui ont le Xbox One, ils vendent ils ont souvent le EA Access qu'ils vendent avec ça. C'est un abonnement. Puis tu sais, tu peux avoir 10 heures gratuites avant pour l'essayer, comme la plupart des jeux de sport qui donnent là-dessus. Fait que ça donne au moins l'occasion de tester le jeu, savoir si c'est pour toi. Parce qu'à 91$ avec les taxes, ça vient cher pour un jeu. Hein. Ben oui, c'est sûr. Donc, 8.10, René, ça fait pas mal de tour. 8 sur 10, ouais. Prochain jeu, c'est le baseball, c'est ça, le prochain jeu de sport? Le baseball s'en vient, si je me trompe pas, c'est le 28 mars. Oui, 28 mars, donc on va te rappeler à ce moment-là. Et d'accord. Les gens qui veulent avoir des informations sur les jeux vidéo, ben, on invite à aller sur game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec. René Cadieux, un gros merci pour sa part. Merci beaucoup, bye-bye. René Cadieux du site internet game-focus.com.